un micro ouvert avec Maroussia. Merci Maroussia d'avoir osé, parce que quelque part il faut oser quand même se confronter à quelqu'un qui vous dit à quoi ça sert, de faire la grève de la faim, fille, ça sert à rien. Voilà, ça c'est tout de suite maintenant, mais avant, on écoute Les Furtifs. Alors Les Furtifs de Damasio, c'est un énorme bouquin qui fait bien 1000 pages. J'exagère pas, attends, je regarde tout de suite là, maintenant. Mais non, ouais, allez, 600, 600 pages, 600, presque 700 pages. C'est le dernier bouquin de Damasio et il a fait aussi de la musique. Alors on écoute, avant de passer du temps avec Maroussia, on écoute Damasio, quoi. Donc il a écrit une énorme brique qui fait 700 pages, oui, Les Furtifs. Et il a aussi fait un CD avec un musicien qui s'appelle Yann Péchin. Allez, on s'écoute un petit morceau. Et alors, son bouquin, il commence... c'est entre sa musique, son bouquin. Ça commence par une phrase qui dit « Allez annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. » C'est Valère Novarina qui a écrit ça. Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance ? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté. Donc, notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. Contracter une sensation. Contempler, habiter un instant ou un lieu, ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ses filtres subtils, sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre, qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil. De l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ouvert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément, qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme

Allez, c'est parti. Et ce micro ouvert, mais c'est un micro ouvert un peu particulier, je trouve, parce que c'est un micro ouvert politique et pas politique. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Maroussia, que j'ai en face de moi. Tu vas me dire, mais nous, on se rencontre parce que j'ai eu un lien via l'Internet, hein, cette immense machine qui est... super comme qui est une horreur en même temps, tu vois, parce que ça crée du lien et en même temps, ça rend vraiment les gens accros. Enfin, il y a les deux un peu comme ça, je simplifie l'idée. Et donc, j'ai eu un lien, on m'a envoyé ton lien parce que tu te lançais dans une grève de la faim. Et du coup, je me suis dit, oh, un micro ouvert avec cette dame, si je peux lui poser la question... qui est celle-ci, c'est-à-dire faire la grève de la faim, mais pourquoi ? Et l'article qui te mettait, qui expliquait un peu ce que tu faisais, c'était aussi « je fais la grève de la faim ». En gros, hein, tu vas mieux dire les choses, hein, mais c'est contre le climat, contre ce monde qui ne va pas. Voilà, c'est pas simplement une grève de la faim pour se nettoyer. C'est une grève de la faim un peu comme ce monsieur qui a fait parler de lui aussi au Parlement. On va pas noter, on va pas dire son nom. Je sais que c'est Pierre... Larouteau. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en lien, si ça a à voir avec ce bonhomme, si il t'a inspiré. Voilà, donc ce monsieur a fait la grève de la faim. Je ne sais pas s'il est toujours occupé à le faire. C'est fini ? Oui, il a arrêté. Et avec aussi, lui, clairement, des pancartes, hein, le climat, l'emploi, le social, enfin voilà, la santé. Il a initié, disons, qui nous a inspirés. Après, c'est pas lui qui nous a demandé de le faire. On s'est senti dans l'idée de prendre le relais. C'est plutôt ça. Donc voilà, maintenant, le collectif de citoyens... en grève de la faim s'est installé. On est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on compte plus que 100 personnes. En Belgique ? En Belgique et en France, essentiellement. Et donc voilà, on prend un petit peu le relais, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres collectifs qui, à leur manière, prennent le relais de cette information pour que ça circule. De cette information quoi ? De cette information de faire la grève de la faim ou bien de cette information qui font changer le monde, le climat, etc. Là, comme il y a eu les plein de manifs de jeunes dans les rues, etc. Alors oui, il y a le niveau global de changement à effectuer au niveau du climat, au niveau de la santé, l'économie, du social. Mais là, c'est parti surtout de... réveiller un petit peu les consciences qu'en fait, on crée des taxations un peu partout. N'importe qui, j'aime bien son raisonnement, n'importe qui est même dans la pauvreté et veut s'acheter quelque chose à manger, paye une taxe. Et que dans les taxations d'échanges financiers, il n'y a pas de taxe. Et donc la demande était juste celle-ci. Et si on créait une taxe d'1%, on libérait 50 milliards. Et que ces 50 milliards soient utilisés spécifiquement pour le climat, puisqu'on a difficile apparemment à trouver de l'argent. Mais c'était juste ça. Voilà. C'est juste ça, parce que tu dis ça au passé. C'était juste ça. Pourquoi tu dis ça au passé ? C'était juste ça. C'est juste ça. Parce que je sens que ça ne va pas passer. Je me demande si aujourd'hui déjà ils n'ont pas voté et que ça n'a pas pu passer comme ça. Et donc... Ce serait trop facile. Il suffirait de faire la grève, de la faim, aller au Parlement avec une pancarte et c'est gagné. Mais Maroussia... On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont été mises au courant qu'il y a plus de 1 000 milliards d'euros qui sont en budget pour le moment au niveau de l'Europe et que peut-être qu'il y a des urgences. Et que là, vis-à-vis du climat, il y a clairement des urgences. Donc, au-delà de la grève de la faim pour spécifiquement cet élément-là, je pense en tout cas que moi, je continuerai parce que jusqu'au 10-11 décembre, parce qu'il y a d'autres budgets qui sont en discussion, justement pour la biodiversité, pour d'autres domaines. Donc, continuer à sensibiliser, C'est ça qui est important pour le moment, oui. Alors, c'est intéressant qu'on prenne conscience de ça, c'est que Maroussia que j'ai en face de moi, toi, ça fait le quantième jour que tu fais la grève de la faim. Et aujourd'hui, je suis à mon 12e jour. Et comment c'est possible, ça? Moi, je croyais qu'on était mal, que ça allait pas. Explique-nous un petit peu comment... Quoi, la grève de la faim, ça veut dire quoi? Plus manger du tout? Ça veut dire boire quand même? Alors, je vais expliquer comment moi, je le traverse, parce que je ne sais pas comment chacun fait. J'y suis rentrée en me préparant. J'ai déjà laissé presque une semaine de délai avant de prendre clairement ma décision. Et donc, j'étais en préparation. Pendant ce temps-là, j'ai diminué clairement déjà ma nourriture, mon apport en nourriture. Je suis déjà quelqu'un qui mange... comme un petit moineau. Pas comme, forcément comme un moineau, mais je fais très attention à la qualité. Donc, je savais qu'en tout cas, quand on commence un jeûne, on peut passer des moments difficiles, justement, parce que le corps se détoxifie. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé en amont, de préparer mon corps. Et quand ma décision a été prise, j'ai pu passer presque même facilement au jeûne. Et je n'ai pas eu faim. Encore aujourd'hui, je n'ai pas faim. Alors, généralement... Oui. Ça ne pose pas de problème, ça, que le corps... donc, tu te nourris plus. Il n'y a plus de nourriture qui rentre à l'intérieur de toi. Alors, je suis passée concrètement à que des liquides, donc tisane, bouillon, et ça fait quelques jours que je m'autorise un jour sur deux un jus de légumes et de fruits parce que je sens que j'ai quand même besoin de nourriture vivante. Je suis assez habituée à manger de la nourriture vivante, donc quelque part, ça me manquait. Mais ça reste du liquide. On ne peut pas passer au solide liquide. Donc voilà, je me nourris que de liquide. Mais c'est pas une grève de la faim, ça? De se nourrir de liquide? Bah, tu continues à te nourrir, quoi. Par des tisanes? Des soupes? Oh, des légumes? Ok, je m'octroie... Non, un bouillon. C'est pas une soupe. Et je m'octroie une tasse. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour, justement, pas partir dans trop de carences, aussi. Alors, la grève de la faim, c'est quand même supprimer tout ce qui est alimentaire en soi. C'est ne passer vraiment qu'à du liquide. Et je connais le jeûne thérapeutique. Donc, je sais ce que c'est que de ne pas manger pour nettoyer le corps. Maintenant, ici, on n'est pas dans un jeûne thérapeutique parce qu'un jeûne thérapeutique, on s'isole. On prend soin de soi, on prend du repos parce qu'on est fatigué, on passe de mauvais moments. Tandis que là, ben, j'ai continué mon activité professionnelle et toutes mes activités, on va dire, sociales dans des collectifs, dans des associations. Donc, je suis quelqu'un déjà d'hyperactif au départ et je le suis resté. J'ai des coups de mou, je n'ai pas eu les migraines. Généralement, au bout de 2-3 jours, on a de très, très fortes migraines, comme j'avais préparé mon corps. Voilà, j'observe que je n'ai pas eu de migraine. Par contre, il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir des douleurs immenses qui m'ont vraiment clouée au lit, on va dire. Mais mon discours n'est pas de vouloir donner non plus des informations dramatiques, mais on passe par des passages suivant qui on est dans le jeûne. Voilà. Ici, je partage juste le mien et chacun peut passer par des passages compliqués. Moi, j'ai eu des douleurs dans le bas du dos, dans le bassin, terribles. Jusqu'au moment où j'ai réalisé ce qui se passait. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour venir apporter le soutien par des mouvements. En fait, c'est le bas du corps chez moi qui détoxifiait. Et donc j'avais beaucoup, beaucoup de tension à cet endroit-là. Et donc par des exercices, des mouvements, mais du coup je me fais aider. Je fais appel autour de moi des praticiens. À des médecins, à des masseurs, des praticiens qui s'y connaissent aussi. Et donc voilà, j'ai mis ça en mouvement pour ne pas rester coincée dans ces douleurs. Et voilà, maintenant je les gère. Ce matin, j'avais des douleurs encore à gauche. Je fais mes exercices et ça va mieux. Mais effectivement, traverser le jeûne, on peut le faire qu'à travers qui on est, au moment où on est. Et donc, il y a tout le corps qui se détoxifie, qui peut faire qu'on passe par des moments très compliqué, très lourd. Mais moi, bizarrement, maintenant, je ressens un regain d'énergie. Donc je suis plein d'énergie. J'ai des coups de fatigue où presque je fais des micro-siestes, mais j'ai plein d'énergie. Donc moi, je suis là. Je suis là, bien vivante aussi. Mais c'est pour ça qu'on se rencontre. Rappelons que ce jeûne que tu fais, il y a une raison. Et moi, vraiment, je me dis, mais c'est n'importe quoi, cette raison. Je veux dire, si la raison, elle est, je simplifie l'idée, mais de changer le monde en ne mangeant plus, en ne m'alimentant plus, ou en tout cas un tout petit peu, comment on dit, parce que oui, tu continues à te nourrir un petit peu quand même, je crois, sinon tu ne serais pas dans cet état-là maintenant. Tu continues à prendre des liquides, à faire en sorte quand même, sinon tu ne serais pas dans cet état-là. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur de toi, je ne sais pas comment tu te sens, mais tu as l'air de dire que ça a l'air difficile à certains moments donnés. Donc reprenons. Donc tu crois que le politique, tu crois que les politiques, le gouvernement, mais ils s'en foutent de toi en fait, en gros. Ne le prends pas comme... Mais je veux dire, c'est une réalité. C'est... Demain, il t'arrive quelque chose de grave dû à ton jeûne. Ça n'aura aucune influence sur les politiques menées. Voilà, j'avais envie d'entendre ce que tu avais à dire par rapport à ça. Et après, évidemment que c'est choquant. Hein. Là, c'est choquant. Moi-même, je ne pensais pas le dire. Mais sur la Terre, hein, c'est un monde globalisé, il y a des gens qui crèvent la dalle. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Alors là, j'ai un univers de choses que j'ai envie de te dire. La première chose, c'est peut-être de voir d'où vient ce questionnement chez toi, si je peux me permettre. C'est l'image peut-être qui est faite du jeûne, qui est peut-être une image un peu dramatique. Non, mais si on fait vraiment... Moi, j'ai entendu, il y a une femme en Turquie qui a fait le jeûne, elle est morte. Hein. Okay. Ça dépend de comment on définit le jeûne, tu vois. C'est pour ça que quand tu dis, ah non, je continue à prendre des bouillons, je continue à quand même donner peut-être des choses à ton corps, quoi. Voilà, la définition du jeûne est peut-être pas chez tout le monde la même chose, quoi. Après, il faut quand même tenir. Hein. Avec un bouillon par jour, il faut quand même tenir. Mais alors, j'ai envie de dire que... Tu n'as pas entendu cette femme Oui, mais c'est pas... je veux dire, ce n'est pas la même chose. Ici, on ne fait pas une grève de la faim au finish. Je ne me suis pas lancée dans l'idée de faire une grève de la faim jusqu'à en avoir des séquelles et jusqu'à en mourir. Ce n'est pas une grève de la faim au finish. Donc, j'irai jusqu'où je sens que mon corps peut aller, mais garde... quand même une forme d'équilibre. Donc, c'est un acte, pour en revenir au tout début de l'entretien où tu parlais d'acte politique. Donc, oui, c'est un acte politique, militant. Mais je vais dire, j'aime bien le terme politique, mais apolitique. C'est-à-dire, je n'adhère à pas un parti politique pour faire cet acte-là. Mais c'est militant, méditant. Voilà, j'aime bien me positionner dans ce duo de mots, militant-méditant. Je suis quelqu'un qui médite, ça m'aide à prendre conscience des choses. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces prises de conscience et cette posture, c'est ce qu'on ressent de ce qui se passe dans le monde? Et comment est-ce qu'on milite? Est-ce que ça sert à quelque chose? J'entends dans ta question, est-ce que le fait de faire... ce jeûne, cette grève de la faim, est-ce que ça va avoir un impact? Je ne me fais aucune illusion au niveau des lobbying. Ils n'écoutent même pas ça. Donc, je ne me fais pas d'illusion. Maintenant, c'est comme toutes les grèves sur le terrain. Il y a eu, il y a 10 ans, 100 000 personnes sur Bruxelles qui faisaient grève, qui ont marché dans les rues. Il y a 10 ans ? Ouais. Donc, je veux dire, ces actes-là, ça, c'est comme si on tissait une petite... On dépose une petite graine. Et il y a des personnes, du coup, qui se posent la question. Mais quelles personnes tu parles ? Par exemple ? Parce que c'est médiatisé, déjà. Parce que c'est médiatisé. Et des personnes qui, même si au départ, elles disent « ça ne sert à rien », elles écoutent. Il y a quand même suffisamment de choses qui sont dites, qui sont nommées, sans qu'on creuse. Hein. Déjà, rien qu'à recevoir les informations, on entend qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui se pose des questions. Ça permet peut-être à un moment donné à quelqu'un d'aller écouter une information et de creuser et de comprendre. Tu veux dire qu'ils se posent des questions sur l'état du monde, etc., tout ça. Et puis en plus, avec la crise Covid et compagnie, j'imagine que celui qui ne se posait jamais de questions, là, il est bien obligé de s'en prendre plein la figure, quoi, parce qu'il y a tout qui s'écroule en même temps. Il y a tout qui est remis en question. Et ça peut être un terrain, justement, de questionnement. Oui, il y a tout qui est remis en question pour certaines tranches de la population, mais il y en a d'autres tranches qui s'écroulent, quoi. Tu vois les décalages. Je veux dire, on ne vit pas tous la crise Covid de la même manière aussi. Il y en a qui subissent. C'est pour ça que moi, je dis c'est le climat, c'est la santé, c'est le social. Parce qu'effectivement, là, il y a des personnes, elles sont tellement dans l'urgence que c'est pour ça qu'en fait, j'ai apprécié de me lancer dans cette grève de la faim. C'est parce que c'était à viser de l'Europe. Parce que nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? À un moment donné, on se sent colibri, si je peux prendre ce terme-là. On fait sa petite part, sa petite goutte. Et on sait que ça ne suffit pas. Et on n'a pas prise. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de perdre son énergie pour des choses pour lesquelles on n'a pas prise. Mais à un moment donné, si on se rassemble un petit peu, et qu'on leur dit, dites là-haut, enfin, je ne devrais même pas dire là-haut, vous qu'on a placé, ouais, mais vous qui vous sentez peut-être là-haut à prendre des décisions pour tout le monde, peut-être que les citoyens n'ont pas voté pour les choix que vous faites. Et à un moment donné, quand est-ce qu'on nous écoute ? Puisque j'ai l'impression que même quand je dépose mon bulletin de vote, on ne l'écoute même plus parce que tout est fait de compromis, de lobby. Et donc, à un moment donné, l'Europe prend des décisions, mais quand est-ce qu'ils écoutent le citoyen ? Et donc là, dans la grève de la faim, dans le collectif et dans tous les autres mouvements qui se bougent, et les citoyens même qui ne sont pas dans des collectifs, mais qui c'est pas pour ça qu'ils ne pensent pas. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui se pose la question de comment est-ce que tout ça est géré ? Est-ce qu'ils tiennent compte du citoyen ou est-ce qu'ils sont dans un bureau déraciné et ils ne réalisent même plus moi, quand j'entends 70% des insectes en moins. Mais moi, 70% des insectes en moins, c'est un chiffre. Moi qui suis au contact de la nature, et dans la contemplation et dans l'observation de la nature depuis très longtemps, Je le vis, je le vois, je le ressens. Et il y a des jours où je me réveille, où je vois au travers de la nature que j'ai devant moi cet effondrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, on entend moins les oiseaux, il y a tout qui se détériore. C'est qu'une partie de la problématique du climat, mais là je parle de quelque chose qui me touche. Et donc de sentir que même si moi j'essaye de faire un petit nid très naturel dans ce que je peux, nouveau dans ma petite goutte, ma petite part à moi, tous ces animaux sont occupés à mourir. C'est des milliards de milliards de milliards d'insectes, d'oiseaux et d'animaux qui sont occupés à mourir de par l'homme qui émet et qui a un impact énorme sur son environnement. Mais moi, il y a des jours où ouais, ça me fait peur. J'ai beau être méditante et essayer de relativiser, il y a des jours où je peux faire que m'asseoir et quand même j'ai une émotion et je pleure. J'avais parfois cette... Oui, je pleure de réaliser qu'en fait tout ça fait que déjà moi j'ai un petit-fils. Il ne va pas connaître le monde que j'ai connu. Il ne va pas connaître le chant des oiseaux que j'ai entendu. Il ne va pas voir les papillons que j'ai vus. Il ne va pas voir tout ce vivant. Et donc, je rejoins un peu la boucle. Si je fais la grève de la faim, et j'ai bien entendu ce que ça venait résonner dans tes mots, c'est pour le vivant. Alors, ça peut paraître paradoxal. Faire la grève de la faim... ça peut être, oui, mais c'est aller mourir. Mais non, je ne vais pas jusqu'à la mort. Je dépose un acte, pour moi, qui est quand même assez fort. Mais c'est pour le vivant, en fait. C'est vraiment pour qu'on prenne conscience que là, il y a des urgences. Et je ne suis pas certaine, ça fait très longtemps que je suis au niveau individuel et dans le collectif pour faire essayer, pour mettre des choses au niveau local en place, pour qu'il y ait du partage, pour qu'il y ait des prises de conscience. Mais je me rends bien compte que moi, je peux me changer. On peut essayer d'effectuer des transformations au niveau de notre village ou notre ville, au niveau local. Mais à un moment donné, là où sont les gouvernements, à quelque niveau que ce soit, je trouve qu'ils sont dans un déni qui est grave. Je trouve aussi, hein. Ce n'est pas qu'un avis individuel. Je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent ça aujourd'hui. Beaucoup à penser ça. Et donc maintenant, ça suffit. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui est plus violent ? C'est que je me prive de nourriture ? J'en reviens à ce que tu nommais, qu'il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Moi, je ne vais pas en mourir. Parce que j'ai la chance d'être dans le choix, déjà, et de pouvoir choisir de m'arrêter à temps. Effectivement, j'ai beaucoup pensé aux gens qui meurent de faim. Je n'ai pas toujours eu facile. Donc, je sais ce que c'est que d'aussi de savoir un peu se priver de manger. Je n'ai pas connu de mourir de ça, ou d'être en totale souffrance, hein, entendons-nous bien. Mais se priver de manger, pour moi, est un acte fort pour dire, voilà, moi qui, effectivement, j'ai accès à la nourriture, mais je passe par là. Je passe par là parce qu'aller dans les rues, ça ne suffit plus. Voter, ça ne suffit plus. Mais là, je ne comprends pas, là, je te le dis. Ouais. Je veux dire, tu n'as pas l'impression que les combats, maintenant, il faut être peut-être un petit peu avoir lu l'histoire, mais que les combats se sont menés plus en allant dans la rue, en n'étant pas content et en rentrant en confrontation avec le pouvoir. C'est comme ça qu'il y a des combats, des luttes qui sont menées, hein, tu vois, plutôt que retourner cette violence, moi je le vois comme ça, hein, retourner cette violence contre soi au fond, tu vois ? Je sais pas. Hein. Ouais. Oh, j'ai envie de dire de toute façon, là on peut pas les manifester, ou difficilement. Je vois que Extinction Rebellion est allée faire certains actes là hier, entre autres Place du Luxembourg. Ils ont appelé ça de la méditation. Et j'ai bien aimé, c'est le fait d'être posé. Et de par sa présence, déjà dire, est-ce que maintenant il va falloir passer par la violence ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas confortable avec ça. J'ai vu qu'il y a eu des manifestations sur Bruxelles. J'ai des amis à moi qui étaient présents, qui se sont fait brutaliser et qui ont eu des blessures au corps, qui se sont fait gazer. Je ne suis pas certaine, moi, d'avoir ce courage-là. Tu vois. Mais moi non plus, hein, c'est pas ça. Mais j'essaye de comprendre, moi non plus. Mais disons qu'alors, toi, Maroussia, je regarde toujours Maroussia, toi, tu as envie de contribuer à faire quelque chose. T'es pas quelqu'un qui va sur les barricades. T'es pas quelqu'un. Enfin, je veux dire, je sais pas. Oui, il y a peut-être des tempéraments plus que d'autres, mais je veux dire, la violence, on n'est pas là à faire super, on va être violent, il va y avoir de la violence, on va casser. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Hein. Mais je veux dire, j'essaie de comprendre aussi ta dynamique. Tu as envie de contribuer à faire quelque chose, et toi, la grève de la faim, c'est une manière d'interpeller. C'est ça ? C'est ma manière aujourd'hui. Elle peut avoir été différente avant et elle bougera peut-être encore. C'est ma manière que j'ai choisie aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais parce que ça m'a parlé. Mais c'est vraiment quelque chose qui est venu du citoyen. C'est ce qu'on peut faire maintenant. Il y a quand même cette crise sanitaire maintenant, qu'il y a des normes de sécurité. C'était un moyen supplémentaire. Est-ce que ça va devenir un moyen maintenant un peu plus régulier de faire comme ça, de faire par la grève de la faim? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Est-ce que ça va devenir un moyen régulier? Ça veut dire quoi, ça? Mais de manifester en groupe, parce que tout seul, c'est de se mettre ensemble pour poser un acte, pour que cet acte soit peut-être entendu, questionne, sème des graines. C'est pas plus que ça, mais viennent questionner. Je pense que pour le moment, ce que je sens, ce n'est pas que l'Europe va choisir de faire autrement. On espère, mais est-ce qu'il faut s'illusionner de ça? Mais c'est en tout cas que des personnes se questionnent et effectivement, toutes n'ont pas envie de faire la grève de la faim, et ça, je le comprends tout à fait. Et dans le collectif, il y a beaucoup de personnes qui font des grèves, ce qu'on appelle les grèves perlées, c'est-à-dire juste un jour semaine, deux jours semaine, et c'est magnifique. Il n'y a pas de performance à avoir. Moi, je fais celle-ci pour le moment, et ça fait déjà 12 jours, et je vais essayer de voir ce que je tiens, mais parce que je pense que j'ai déjà... je médite beaucoup, je pense que j'ai des ressources pour pouvoir le faire, mais je ne me mettrai pas en danger, ça, je le répète vraiment, parce que je n'ai pas envie que cet acte-là soit pris comme quelque chose de grave qui me met en danger. Je ne veux pas donner cette image-là parce que je n'ai pas envie de distribuer ça autour de moi et d'inciter à la mise en danger d'autrui non plus. Donc, il faut prendre soin de soi. Maintenant, ça reste quand même un parcours de se priver de manger. Je ne sais plus en fait ce que je voulais dire au départ. Mais ça me fait penser un peu aussi à du religieux, quoi. Tu vois, comme quand... comme avant Pâques, c'est ça, où on se prive de toute la bonne nourriture ou des sucreries ou de, je sais pas très bien, je connais pas super bien le truc, mais ça me fait penser aussi à ça. Peut-être ça n'a rien à voir. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais dans beaucoup de religions, il y a des périodes de jeûne qui peut faire sens. C'est tout le chemin de le faire. Donc, ça peut avoir énormément de sens. Après, je pense que sens qui est religieux, ça a probablement toujours été qu'en hiver, on mangeait moins, on mangeait plus léger. Donc, je pense que pour le corps, de toute façon, on est dans une civilisation ici en Belgique. Je veux épargner ici les personnes qui ont difficile. Mais je veux dire, sinon, on mange de trop. Voilà. Donc, de toute façon, le jeûne est en soi pas grave, pas gravissime. Le fait de tenir plusieurs jours sans manger, on doit en prendre soin. Mais donc, le jeûne en soi, un jour semaine, c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre au mot jeûne et au sens que ça peut avoir. Après, oui, ça amène de la philosophie. Ça peut amener une réflexion sur soi, une réflexion sur la vie. Pour moi, c'est aussi un chemin spirituel, peut-être adogmatique, mais c'est un chemin spirituel de réflexion, de prise de conscience, d'être dans cette posture. J'en reviens. Pour moi, ça m'aide beaucoup à être dans cette posture de militant-méditant. Ouais, mais le mot militant, il a quand même une connotation énorme, hein. Mais j'avais envie de te poser cette question. Il y a 28 minutes. Ouais. Comme ça, tu vois un peu le temps. J'avais envie de te poser cette question. C'est quoi ta conscience, puisque c'est quand même un acte politique, tu viens encore de le dire, c'est militant, méditant. Quelle est ton histoire politique? Genre, tu nais un beau matin. C'est pour rigoler que je dis ça, parce que c'est peut-être sûrement pas un bon matin. Mais voilà, comment tu as été touchée par la question politique, ou les questions politiques, on s'en fout, hein, on ne parle pas de parti ici. Hein. Je veux dire, parce que là, tu parles de la nature, mais c'est très tendance aussi. Je ne sais pas si tu comprends, on en parle là maintenant, ça y est, c'est dans les médias. Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'on va mettre les moyens pour débloquer tout ça? Parce que l'histoire d'abîmer la nature, elle commence il y a longtemps, hein. Avec l'esclavagisme. Encore bien avant ça. Oui, mais tu vois, moi je la situe à ce moment-là parce que, je veux dire, l'horreur qui s'est passée avec les esclaves, je parle à l'arrivée de Christophe Colomb, hein, qui a commencé à saccager toute cette nature, sûrement avant, hein, mais là, disons que c'est à grosse échelle, quoi. Voilà, est-ce que tu as compris ma question? Je pense, tu me diras. Je pense que l'homme, effectivement, je ne sais pas tout à fait à quel moment j'ai déjà assisté à des cours d'histoire sur ce que je vais appeler, je vais utiliser le mot, hein, collapso, c'est-à-dire l'effondrement. Moi, je ne parlais pas de l'effondrement. Hein. Oui, mais d'accord, le climat, les problèmes climatiques sont liés à ça pour moi. C'est une forme d'effondrement pour le moment de tous les impacts de la nature et donc de l'impact de l'homme sur la nature, sur son environnement, qui crée des déséquilibres. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire ? Oui, mais là, enfin, moi, j'ai l'impression, oui, je soulevais deux choses. C'est-à-dire, quand est-ce que toi, tu as pris conscience vraiment de cette politique, quoi ? Ça veut dire quoi ? À la limite, on pourrait le définir. C'est quoi la politique pour toi, tu vois ? Okay. Alors, je vais sortir du discours de l'homme et parler pour moi. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de contemplatif, j'observe très fort, plus que par le langage de parler. Et donc, très jeune, et je pense que c'est aussi une question de rencontre, ce sont des gens, personnes qui aussi peuvent nous sensibiliser et venir réveiller peut-être qui on est un petit peu quelque part. Et donc, cette sensibilité, je vais appeler une sensibilité, je suis quelqu'un de très sensitif. Et donc, ce côté-là fait que je perçois beaucoup de choses. Et donc, le fait est que très vite, je me suis mise à comprendre et à chercher à comprendre encore mieux comment fonctionne la nature et quel est cet impact de l'homme dans sa vie, dans sa consommation et aussi au niveau du corps. Parce que moi, je suis accompagnante. Et donc, effectivement, si on encrasse notre corps, il ne fonctionne plus très, très bien. Et donc, pareil, dans la nature, comment pour moi, j'ai compris qu'à un moment donné, une pelouse, ça ne me servait à rien. Je sais que ça va peut-être choquer, hein, mais pour moi, une pelouse, ça ne sert à rien. C'est peut faire joli pour nous, mais en fait, on détruit quelque part toute une biodiversité. Et donc, j'ai commencé à comprendre, à chercher à comprendre, et j'en apprends encore tous les jours aujourd'hui. Je suis passée à la permaculture. J'ai commencé par un bac, deux bacs, trois bacs, puis maintenant, j'ai compris que ce n'est pas un bac qui fait la différence, et aussi, chacun fait comme il peut. Mais dans le respect de la nature, c'est déjà de laisser faire la nature et d'arrêter de tout le temps vouloir tout gérer, de tout placer comme nous, on voudrait que ce soit, parce qu'on crée d'office un déséquilibre. Et donc, de laisser la nature faire et d'observer. Et c'est grâce au fait de passer des heures et des heures d'observation que j'ai continué à chercher à comprendre comment elle fonctionnait, cette nature, et à comprendre à quel point moi, en tant qu'être humain, j'avais un impact. Mais il est énorme, en fait. Je vais au magasin, je veux acheter un yaourt. Tout le monde connaît. Ce yaourt, il a fait 3000 km en tout. C'est juste plus possible, on est 8 milliards sur Terre, tout le monde ne consomme pas comme ça, mais on ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, j'ai changé complètement, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais j'ai changé complètement ma manière de vivre. Et mais donc, il n'y a pas longtemps, c'est une conscience... Non, ça fait déjà longtemps que j'ai changé, et ça continue encore. Et donc, j'ai commencé à faire pousser mes légumes, à cultiver et à voir comment je pouvais faire justement sans mettre à nu la terre, parce que ça va jusque là. Une terre mise à nu, on l'abîme complètement. Il y a plus d'insectes dans la terre et elle meurt littéralement. Enfin, je vais pas tenir un discours. Oui, mais Maroussia, ce que tu parles là, tu vois, c'est un peu la entre guillemets la tendance générale pour qui s'intéresse un peu à potager. À son jardin, oui, à la permaculture qui vient, tu vois, c'est très, comment on dit Moi, j'avais plus envie de t'entendre, toi, comment t'as évolué vers cette politique, quoi, vers la conscience, parce que là, tu me parles beaucoup de la nature, c'est bien la nature, mais... Mais pour moi, c'est un acte politique. De faire le choix de ne plus manger de la nourriture industrielle, c'est politique. Parce que du coup, je ne nourris plus par mes achats, une grosse société multinationale où tous les fonds partent de manière pyramidale chez certaines personnes. Je vais soutenir un maraîcher qui vit... C'est ce que tu fais maintenant. Oui, voilà. Et donc, j'essaie le plus possible dans chaque achat que je fais de faire un choix qui est et pour moi et pour la nature. Et quelque part aussi un acte politique de par mon achat. Voilà. Donc, quand je te parlais de faire pousser, c'est pas que tendance. Je pense que pour le moment, il y a une prise de conscience qu'effectivement, il faut qu'on retourne à quelque chose de beaucoup plus naturel, de retrouver le lien à la nature, de comprendre qu'on doit le respecter, notre environnement. Parce que quand on dit la maison brûle, voilà, on n'a pas encore parlé de la gravité, des problématiques du climat, hein, qui est quand même un énorme problème. Mais donc là, en fait, on est occupé à détruire notre maison sur laquelle on vit, dont on dépend. Et le Covid et la grippe, j'ai appris en cherchant, rien que la grippe saisonnière vient au départ du poulet. Voilà, donc en fait, à un moment donné, on doit respecter la nature. Chaque acte que je fais, j'essaie de le relier par un choix qui met aussi, au travers de celui-ci, un acte politique. Voilà, apolitique, c'est bizarre, hein, mais voilà, c'est pas que mon acte politique soit un vote pour gauche, droite, peu importe, mais c'est je ne fonctionne plus pour ce côté financier où il y a des milliards de milliards qui se brassent journellement au-dessus de nos têtes et que je vois à côté de moi des personnes qui n'arrivent plus à vivre avec un salaire. Voilà, donc moi je choisis. Ça, c'est important que tu dises, parce que on a parlé beaucoup de la nature. Moi, on fait partie de la nature, hein, je veux dire, c'est idiot. On est coupé de la nature. Oui, mais je veux dire, à la base, si on est bien en bonne santé, je parle aussi dans sa tête, je veux dire, sans la nature, on est mort, quoi, quelque part, tu vois. Mais je veux dire, ça, c'est pas moi, Graziella, qui ai décidé d'aller déforester, ou c'est pas moi, Graziella, qui ai décidé de faire rouler les bagnoles au pétrole. Enfin, tu vois, je veux dire, à l'origine, je veux dire, on est des tribus, on vit avec cette nature, on est là, voilà, et après, il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse, quoi, tu vois. Mais moi, je suis contente de t'entendre parler des humains aussi, parce que cette nature, je crois qu'elle sera là, encore là après nous, si jamais on devait s'en aller, tu vois. On devrait tous crever, là. Donc, cette nature, elle est là et elle est puissante, quoi. Il ne faut pas non plus la regarder comme un petit dieu, tu vois. Je trouve que c'est l'humain qui est terrible là-dedans. Et qu'est-ce qu'il fait à l'humain, quoi? Qu'est-ce que l'humain se fait à lui-même, en fait? Moi, tu vois, c'est ça que je trouve incroyable. Parce que oui, je le dis, hein, on est plus à parler du climat, mais c'est quoi le climat? Ça reste, oui, on a le Club de Rome qui dit depuis 50 ans plein de choses. Ok, mais ça reste... Mais toi, tu dis que c'est du concret, toi, tu le vois. Ouais. Mais... Alors, je vais répondre à ta question, mais j'ai quand même envie de dire, le Club de Rome, le rapport Meadows, tout ce qui a déjà écrit, moi, chez moi, j'ai une pile de bouquins absolument incroyables, tout est dit. Ça vaut la peine d'aller écouter des YouTube, de lire pour comprendre. Voilà. Après, une fois qu'on sait, il y a comment on le vit, et voilà, moi qui suis en lien avec la nature, j'en souffre quand même de voir cette nature mourir. Après, je peux comprendre cette question et l'homme là-dedans. L'être humain, quoi. L'être humain. Mais je veux bien, mais on entend beaucoup parler de l'homme. Et donc, je vais répondre à cette question-là. Mais d'abord, j'ai envie de dire, oui, mais pour moi, ce n'est pas l'homme d'abord, le reste après. Pour moi, c'est tout l'environnement et l'homme qui en fait partie. Et c'est pour ça que je tiens moins un discours juste spécifiquement au niveau de l'humain. Parce que je dis ça parce qu'il y en a qui en crèvent, quoi. Aujourd'hui, je veux dire, on vit pas tous de la même manière tous ces problèmes, quoi. C'est injuste, tu vois, déjà juste parce que je suis un humain et que je vois l'autre qui vit pas le truc de la même manière, peut-être plus difficile, peut-être. Enfin, on parle de suicide aujourd'hui là maintenant. Enfin, c'est difficile, quoi, tu vois. Donc la nature, bon. Voilà, j'avais envie de dire ça à toi. Oui, mais quelque part, je te rejoins aussi. L'humain souffre, enfin, une partie de personnes là, spécifiquement par rapport à la crise sanitaire, qui souffrent encore plus. Il y avait déjà de la souffrance avant, mais parce que les choses sont occupées à se déréguler. Et donc, effectivement, on remet notre pouvoir à... Et c'est ça que je reviens à ce côté des gouvernements. Enfin, ils ne sont pas responsables de tout. Hein. Ils sont aussi coincés parfois. Ils font ce qu'ils peuvent, j'ai envie de dire. Ils font au moins quelque chose, mais voilà. Mais il y a quelque chose qui se dérégule dans le fait de voir autant de souffrance, effectivement. Et donc, je pense que là, si on peut aller dans de l'humain, parce que c'est de ça que tu parles, c'est d'aller dans de l'humain, c'est de retrouver du lien entre nous. C'est de regarder autour de nous ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est chez soi dans sa maison et qu'on a de quoi vivre qu'on va pas à un moment donné aussi être impacté. Donc il faut se réveiller. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut se réveiller. Le problème, il est global et on est tous dans le même bateau. Et donc là, il faudrait effectivement mettre quelque chose d'horizontal, de citoyen, pour créer de l'entraide. Il y a un magnifique bouquin, L'entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo Servigne. Ah, je l'ai lu, je n'ai pas aimé. Hein. T'as pas aimé? Alors, ok, il y a aussi l'autre, une autre fin du monde. Enfin bref, on peut ne pas aimer, mais je pense que créer du lien, créer de l'échange, il y a tant de choses à faire, je vais pas prendre le temps pour tout énumérer, mais il y a tellement de choses à faire pour justement éviter l'isolement, éviter que chacun souffre en fait. Oui, mais c'est pas. Enfin, on va reprendre la grève de la faim parce que sinon ça fait comme si il suffirait de, tu vois, il suffirait de se mettre ensemble, de créer du lien, que tout aille bien au fond. Tu vois, ça fait un peu. Ça paraît bisounours pour toi? Non, mais c'est un peu, ça paraît trop, pour moi, c'est un peu trop planant, quoi. C'est pas très du concret. Ce qui est très concret, c'est que tu fais la grève de la faim. Ça, c'est hyper concret, quoi. Tu vois, sinon, il suffirait de faire sa petite part pour que le monde change. Waouh, moi, ça me parle pas trop, quoi. Tu vois, et pourtant, j'aime bien discuter avec plein de gens différents, tu vois. Mais le climat, c'est quand même... Ouais, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que même quand on parle d'énergie verte qui vont avec, oula, là encore, on peut s'égarer. Tu vois, c'est un drôle de sujet, le climat, l'écologie, toutes ces choses avec la nature. Moi, la nature, elle me parle. Hein. J'habite dedans. Je pourrais pas vivre en dehors, quoi, mais... C'est de la chance, est-ce que c'est pas de la chance? C'est un choix, c'est pas un choix? Tu vois, c'est tout ça, c'est pas si simple comme ça. Mais bon, ce qu'il y a de concret, c'est que tu fais la grève de la faim et que c'est un acte politique, tu dis. Oui. Ça, c'est hyper concret. Hein. C'est concret parce que je le sens dans mon corps. C'est vraiment un parcours. Tu vois, c'est par contre de belles rencontres aussi. Il y a celle que je vis là maintenant, dans l'instant. Il y a le fait de, dans le collectif, parce qu'on se parle, on échange beaucoup. Donc c'est ça que je parle par créer du lien. Et pour moi, c'est très concret de créer du lien au niveau local, créer de l'échange, de permettre de prendre soin des anciens qui sont parfois isolés, justement avec la crise sanitaire. Ça a tout son sens de ne pas laisser les personnes âgées toutes seules chez elles à souffrir encore plus. Pour moi, c'est très, très concret. Et je sépare presque ce que j'ai envie de faire entendre au niveau des gouvernements belges et européens, puisque je suis belge, mais pour lequel je n'ai pas prise. Donc, je peux juste demander, éventuellement faire la grève de la faim pour dire, écoutez, voilà, écoutez quand même. Il y a des personnes, il n'y a pas que moi, il y a des personnes qui choisissent cet acte-là pour vous dire, réveillez-vous, écoutez-nous. Après, il y a d'autres manières de faire aussi. Et c'est parce qu'il y a ceci, cela, d'autres manières, et que tout ce mouvement est occupé à grandir de plus en plus, qu'à un moment donné, j'espère que ça va transformer les choses. Sans que je pense clairement que l'acte que je fais aujourd'hui va faire que là, au niveau de discussion européenne, ils en tiennent compte. Voilà. Mais donc, c'est presque un message que j'envoie, on va dire, autour de moi, dans l'univers, on va dire, pour que ce soit à un moment donné entendu et qu'on se mette en chemin tous, en tout cas de plus en plus nombreux. Et qu'on transforme, et ça demande une transformation déjà. Soit ce ne serait pas cohérent pour moi d'aller demander et de pas le vivre. Enfin, voilà, ça c'est, je parle pour moi. Donc, j'essaye déjà d'appliquer. D'aller demander et pas le vivre, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais d'aller demander qu'on prenne soin de la nature, par exemple, ou soin du social et de l'économique, et de pas moi faire attention. Ça me paraîtrait être une dissonance. Donc j'essaye, moi, dans ma vie, d'appliquer ce que je pense. Donc de prendre soin autour de moi, j'essaye d'apprendre à faire plus sans m'y perdre, parce qu'il faut aussi trouver... Les enjeux ne sont pas les mêmes, ceux qui sont au-dessus... Je n'ai pas pris sur les enjeux au-dessus. Donc c'est d'accepter de faire ce qu'on peut faire, de dire ce qu'on peut dire, et de voir ce que ça peut donner. C'est comme si ma parole, je la dépose devant moi et que je m'adresse après l'autre, je ne sais pas ce qu'il en fait. Voilà. Donc dans mon acte militant, c'est ça, c'est de dire juste. Enfin, ce n'est pas juste de dire, c'est de dire, mais j'essaye d'incarner aussi. Donc je veux dire, je ne vais pas aller demander des choses si moi, je fonctionne complètement d'une autre manière. Donc, je fais attention à tous les niveaux, j'essaie de faire attention autour de moi, de nouveau, dans mes choix de professionnel, de vie, de relations, etc., d'envoyer un message qui est cohérent par rapport à ce que je demande. Donc, par exemple, j'ai choisi de ne plus prendre l'avion depuis plus de 10 ans. J'essaie vraiment à tout niveau. C'est à partir du moment où... Je vais reprendre une image qui a circulé sur les réseaux sociaux qui me parle. C'est 3 vagues de plus en plus grandes. Et c'est cette première vague qui est comme un tsunami et qui est la crise sanitaire. Il y a une autre vague qui passe au-dessus et qui est encore bien plus grande. Et tu l'as nommée, c'est la crise économique et sociale. Et là, elle est... Pour moi, je vais utiliser le mot, pour moi, elle est dramatique. Elle est dramatique et elle est mise sous silence de par la crise sanitaire. Je suis d'accord qu'il y a des décès et que c'est pas évident pour les familles qui sont touchées, pour les personnes qui décèdent. Mais je vois autour de moi et il y a tout ce que je ne sais pas. Il y a des problématiques graves dans les foyers économiques. Il y a des dépressions, puisque, voilà, moi je suis accompagnante, je vois bien, il y a de l'anxiété maintenant, mais quasi partout. Il y a des crashs économiques, il y a plein d'artisans, d'indépendants, là, qui mettent la clé sous la porte, des employés, des étudiants, enfin voilà, je ne vais pas énumérer, c'est catastrophique et j'ai l'impression qu'il y a un silence de plomb. C'est nommé, de nouveau, comme certains chiffres, 70% des insectes en moins, mais voilà, on va nommer à un moment donné le pourcentage de suicides, on va nommer les problèmes économiques, mais c'est comme si c'était abstrait. Et si on allait à la rencontre de ces personnes, et si on s'ouvrait, et là je reviens au local, et si on retrouvait justement du lien humain entre nous, et de ne pas avoir peur d'aller vers quelqu'un qui ne va pas bien. C'est pas pour le transformer, mais d'au moins d'être dans l'entraide. Pour moi, l'entraide, ça a tout son sens. Et donc, voilà, la première vague qui est cette vague ici de cette crise sanitaire, la deuxième qui est la crise sociale, économique, mais je vais mettre peut-être là l'humain d'abord, et donc d'abord social et l'économique, voilà, ma foi, voilà. Mais derrière, il y a une grosse vague, une très grosse vague, qui est la vague du climat. Et de nouveau, on est, je pense, dans des chiffres. Et on conçoit peut-être, mais je pense qu'on ne ressent pas encore assez la gravité du problème. Et il y a beaucoup de déni, de peur. Et donc, j'ai bien vu les réactions, rien que par rapport à Greta. On voyait son émotion et ça suscitait tellement de réactions de voir l'émotion de cette jeune fille. Qui a déjà ses particularités à elle, mais on voit tellement des personnes haut placées du gouvernement sans émotion, et c'était assez nouveau de voir quelqu'un qui sortait ses tripes, qui sortait son émotionnel, et moi j'ai été en difficulté d'entendre que ça choquait. Parce que quand on réalise que tout meurt autour de soi, oui, je peux imaginer que les jeunes là, qui se réveillent dans ce monde-ci, sont abasourdis. Sont abasourdis, ont du mal à envisager. Moi, à 20 ans, je dansais, je chantais. Je ne sais pas si les jeunes de maintenant, de 20 ans, chantent et dansent. Certains encore, sûrement. Hein. J'espère pour eux. Tu vois. Voilà, je pense qu'il faut se bouger. Au plus on va être, au mieux c'est. Oui, ça c'est sûr. En plus on va être, au mieux c'est. Ça c'est une phrase rassembleuse. Hein. C'est sûr. Différents, des gens différents, quoi, qui ne sont pas tous les mêmes. Oui, on espère qu'il y ait une conscience dans chaque groupe comme ça, dans chaque personne. Mais je pense que ça se fait à des degrés différents. Toi, tu parles du climat, tu parles du grève de la faim. Il y en a d'autres qui font autre chose, autrement. Moi, je pense aux gilets jaunes, il y a de ça l'année dernière ou... Il y a deux ans, ben oui, voilà, enfin, tu sais, il y en avait qui n'avaient jamais milité, qui ne savaient pas ce que c'était, qui se sont dit qu'il fallait se mettre ensemble. Enfin, voilà, il y a une conscience quand même. Après, on verra bien la suite, on ne connaît pas le futur, hein. Mais ça ne s'annonce pas bien, quoi. Ça s'annonce. Mais j'entendais, il y avait Macron ce matin, avec comment il s'appelle encore, celui qui a fait le film Demain, Cyril. Cyril Dion. Voilà, Cyril Dion. Et il parlait un peu justement de ce. T'as suivi un peu ce qui se passait en France avec ce tirage au sort de 150 personnes 150 propositions, 149 propositions qui ont été déposées, oui. Oui, et que paraît-il, Macron avait dit qu'il allait de toute façon y répondre tel quel. Et en fait, ce matin, tu avais Dion qui disait « Ben non, il a manqué à sa parole, quoi. Enfin, » C'est comme si, tu vois, le truc, il se répétait à l'infini pour dire « Allez, on essaye d'encore y croire. Allez, on fait encore des propositions. Allez, on... » Enfin, comment tu traduis, toi, ça? Oui, mais je suis de près. C'est épuisant, parce que c'est beaucoup d'énergie qui est déployée chaque fois. Je peux comprendre, c'est chaque fois une vague avec des déceptions. On a vu, pour ce qui est en France, on a vu Hulot démissionner, etc. Donc, oui. Et à la fois, je pense que, comme tu dis, cette vague est occupée à grandir de conscientisation. Donc, je pense qu'il faut... Est-ce que pour ça, il faut s'arrêter? Non, je pense qu'il faut continuer. Je peux comprendre qu'il soit déçu. De combiner avec le politique, hein, il continue à essayer de négocier, de réformer, de... Tu vois, c'est fou, quoi. Mais à la fois, je pense qu'on sème des graines par toutes ces actions aussi diverses. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est qu'on est plusieurs collectifs avec des manières différentes ou des individus qui, sur le terrain, font des choses. Donc, tout ça sert l'ensemble. Donc, tout à fait, je te rejoins. Après, tout ça est occupé à semer quand même. Et je pense qu'au niveau politique, il y en a qui sont conscients. Il y en a qui ont lu, il y en a qui ont rencontré les scientifiques, il y en a qui savent. Après, je pense qu'ils sont pour beaucoup coincés dans un système où ils ont peu de marge de manœuvre. Mais à force d'avoir cette population qui dit encore, par des gestes, par des articles, par des pages blanches, par des livres, par des manifestations, par des grèves de la faim, je pense qu'à un moment donné, ça réveille suffisamment. Et donc, en même temps qu'on sent cette lourdeur où on a l'impression d'avoir un mur devant nous, où on a l'impression de ne pas avancer, il y a une lame de fond, il y a une conscientisation, mais ça se passe plus entre nous, entre citoyens. Et il y a des graines qui sont semées. Et je pense qu'ils font... Après, pour le moment, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Qui ça? Les politiques. Les pauvres, quoi. Les pauvres. J'adore. Bon, il reste 2 minutes, vite, juste un avis, t'en as peut-être pas, mais avec la sécurité globale là, qui s'est mise en place, tu vois, le fait qu'il y ait plus de flics, et en plus qu'on peut plus les filmer, en France, hein, ça se passe. Oui. Je sais pas si j'aurais envie de finir là-dessus. Si je t'as envie de finir sur quoi, alors? Mais sur une note positive. Pour le vivant, j'ai envie de parler du vivant. J'ai envie de dire que, au fond de nous, chacun, chaque individu qui est sur Terre, on a de l'amour à l'intérieur. Ça peut paraître bisounours, peut-être. Non. Mais je pense que. Et moi, ce qui m'a animée, c'est ça, c'est le vivant, c'est l'amour des autres, de moi, des autres, de la Terre. Et voilà, c'est, si j'ai envie presque de finir là-dessus, je ne sais pas si ça te convient. Ah, mais moi, moi c'était, et... c'était la suite pour dire, oh, le gouvernement, je ne sais plus ce que tu disais, je te dis, oh, les pauvres, je veux dire, mais voilà, bon. C'est... Là, on est dans le concret, hein. Il y a des choses qui se passent, là, tu vois. Oui, mais malgré tout ça, est-ce que si on crée autre chose, nous, on n'est pas obligé de faire que subir. On peut faire le choix, des choix. Moi, je suis d'accord avec toi, mais alors ça regroupe une petite tranche de la populace, quoi, tu vois, parce que subir, on subit tous à plus ou moins, tu vois. Mais il y en a, ils n'ont pas le temps de penser, ils doivent ramener à manger dans la marmite, ils sont fatigués. Enfin, tu vois, on n'est pas tous à égalité devant cette idée-là. Mais bon, j'entends bien l'amour. L'amour, les ténèbres, tu vois, c'est lequel des deux va gagner. C'est ça aussi, hein. À ton avis, moi, c'est la lumière. Oui, moi, j'en sais rien, mais c'est sûr que je préfère aller vers la lumière, quitte à ce que ça s'éteigne. Mais moi, j'avancerai vers ça, quoi, ça, c'est sûr. Oui, mais je reviens aux trois vagues. Pour moi, la vague climatique, elle va être gravissime. Et le Covid fait partie, pour moi, d'un problème du climat. Fait partie de l'environnemental. Pour moi, c'est ce qui se déroule au niveau des conséquences économiques n'est qu'une conséquence à tout ça. Et ça ne va pas s'arranger. Je suis pessimiste, je ne suis absolument pas dans le déni. Mais ce n'est pas parce que... Ah, c'est bien ça. Ce n'est pas parce que les choses sont graves qu'on ne peut pas, de un, prendre conscience, donc de bien prendre conscience. Donc, moi, je trouve qu'il faut nommer les choses et pas rester dans le déni des choses. Mmh. Et donc, ce n'est pas avoir peur, c'est avoir le courage de vivre avec ça. Et je retrouve, du coup, le mot, le lien qui m'anime, moi, c'est d'être dans l'amour de mon prochain, de l'environnement. Et c'est ça qui m'anime. Ce n'est pas la peur. Et pourtant, je suis... dans mes lectures, au travers des lectures, assez consciente que c'est grave. Maintenant, pour moi, j'utilise le mot effondrement, il ne va pas arriver à un moment donné une date comme un yaourt qui est périmé à un 31 à minuit. On est dedans, et ces crises du Covid le montrent clairement. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit s'arrêter? Non. Moi, ça m'anime pour trouver l'énergie, justement, parce que je l'ai, j'ai peut-être la chance, parce que je le travaille aussi. Pour l'avoir, et que j'ai peut-être aussi de la chance, aussi, mais peut-être pour être solidaire des personnes qui n'ont peut-être pas facile, qui ont des difficultés, et donc moi je trouve qu'on doit prendre soin des personnes âgées, des personnes en difficulté, être solidaire, et à un moment donné, un échange de toute façon. Mmh. Et donc, tout est interrelié, mais si on y mettait un petit peu de... petite touche d'amour. Et donc, je pense qu'il faut aussi déjà arriver à avoir conscience de ce que c'est que ça. Quand est-ce qu'on s'est encore aimé Qu'est-ce que l'amour? Et s'ouvrir. S'aimer assez et pouvoir s'ouvrir et pas rester tout seul dans son coin, dans les peurs. Voilà. Donc, pour moi, c'est... Si je fais la grève de la faim, bizarrement, ça, je peux comprendre que ce soit presque une dissonance, mais c'est pour le vivant. Et c'est pour dire... prenons soin du vivant, prenons soin de l'humain, de notre humanité. Ouais. C'est ça pour moi. Ben merci Maroussia. Mais merci à toi Graziella.